baby girl qu'elle fait du tam tam. Célibataire polygame pour les jolies dames dames. Bouge ton bon à baby girl qu'elle fait du tam tam. Assez parlé, j'ai assez copiné. Toi et moi dans la chambre va falloir copiner. Je fais bouger le bonda de ta copine. Ta baby me caresse, elle veut que doguiner. Que doguiner, moi je peux dégainer seulement si ta copine elle est bien gainée. Que doguiner, moi je peux dégainer seulement si ta copine elle est bien gainée. Alcool, cocoon, sexe, cocktail. Badman, chata dem pussy clac. Quand je vois ta chatte, boum boum, je l'éclate. Cocktail warm dans la womb. Que des gros modèles, elle m'en a fat fat. Célibataire polygame pour les jolies dames dames. Bouge ton monde à baby girl, qu'elle fait du tam tam. Célibataire polygame pour les jolies dames dames. Bouge ton monde à baby girl, qu'elle fait du tam tam. Célibataire polygame pour les jolies dames dames. Bouge ton monde à baby girl, qu'elle fait du tam tam. Célibataire polygame pour les jolies dames dames. Bouge ton monde à baby girl, qu'elle fait du tam tam. C'est parlé, j'ai assez copiné. Toi et moi dans la chambre va falloir copiner. Je fais bouger le bonda de ta copine. Ta baby me caresse, veut que doguiner. Alcool. Cocoon, sex, cocktail, alcool. Cocoon, sex, cocktail, alcool. Cocoon, sex, cocktail. Fiddy girl, dem, dem, ami le dem. Cocktail, warm ou bien neken. Again, again, comme Bobby et Ken. Pussy clap, prends des backshots, c'est ça le thème. Fiddy girl, dem, dem, ami le dem. Cocktail, warm ou bien neken. Again, again, comme Bobby et Ken. Pussy clap, prends des backshots, c'est ça le thème. Cocktail.